Notre invité aujourd'hui a plusieurs vies. Il est à la fois romancier, nouvelliste, essayiste, journaliste, scénariste, bédéiste, anthologiste, le tout sous différentes identités, Corteval, Don Erial, Karel Deck ou Pascal Fréjean. Il parcourt et structure depuis bientôt 30 ans le paysage de la science-fiction française en déployant des thèmes singuliers avec une passion toute particulière qui correspond bien à ses identités multiples, celle des super-héros, mais des super-héros français. Il a ainsi créé une sorte de ligue des gentlemen extraordinaires à la française dans le sillage de l'un de ses modèles, le génial Alan Moore. Ce n'est pas Superman, ce n'est pas Batman, c'est Serge Lehmann. Serge Lehmann est notre super invité du jour pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Serge Lehmann. Bonjour. Vous ne l'avez pas fait le coup de Non, jamais encore, c'est bien. Voilà, c'est fait. Comme nous sommes très très heureux de vous accueillir à ce micro pour évoquer entre autres la ressortie au Diable Vauvert de votre série Faust, Grand Prix de l'Imaginaire en 1998, agrémentée de deux autres récits qui viennent compléter cet univers. On en profitera évidemment pour parler de votre foisonnante carrière d'auteur, d'anthologiste et pour discuter à bâton rompu de votre vision de la science-fiction et notamment de la science-fiction française. Mais pour commencer, l'intégrale de l'actualité scientifique et science-fictionnelle de la semaine, c'est dans le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec Bételgeuse, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, perd de sa luminosité. En astrophysique, on dit qu'elle s'est évanouie. Bételgeuse, c'est une supergéante rouge, elle est gigantesque, elle fait 1000 fois le rayon du Soleil, 1 milliard de kilomètres de diamètre. Et elle est la candidate la plus proche de nous pour la prochaine explosion de supernova dans notre galaxie. Donc depuis 50 ans, elle est sous haute surveillance, on guette les éventuels signes de son agonie. Depuis 2 mois, les astronomes de l'université de Sydney observent un déclin anormal de sa luminosité. Elle a atteint un niveau qui est 2 fois plus faible que sa luminosité habituelle. C'est la première fois qu'on observe ça, et sur une si longue durée. Est-elle sur le point d'exploser? Il faudra continuer les observations pour en savoir plus, mais il y a déjà plusieurs hypothèses. Sylvie Carby est astronome à l'Observatoire de Paris. Bételgeuse est une étoile qui est intrinsèquement variable, avec plusieurs périodes. Il y a une période d'à peu près 400 jours qui est due à des pulsations de l'étoile régulières. Et puis, il y a une période plus longue d'à peu près 5 ou 6 ans, dont on pense qu'elle est due à des mouvements de convection dans l'enveloppe de cette étoile. Elle a une enveloppe externe extrêmement étendue, et cette enveloppe est le siège de mouvements convectifs, comme dans une casserole, quand on fait chauffer une casserole, on voit que ça boue et qu'il y a des mouvements de convection pour évacuer la chaleur, en fait. Donc pour évacuer la chaleur dans l'extérieur de cette étoile, il y a ces mouvements de convection gigantesques et il y a une sorte de périodicité un peu dans ce cycle de convection. Et donc du coup, si ces deux cycles de variation qui se mettent en phase à un moment donné par hasard, ça peut donner une variation de luminosité un peu plus accentuée que d'habitude. Donc ça, c'est une possibilité qui est évoquée. Et l'autre possibilité serait que donc Bételgeuse aurait éjecté un peu plus de masse que d'habitude. C'est aussi un stade évolutif où l'étoile éjecte beaucoup de matière. Il y a donc ces pulsations, il y a aussi de la poussière qui se forme dans les parties externes de l'enveloppe de l'étoile, parce qu'elle est suffisamment froide pour ça. Et donc s'il y a une éjection un peu plus massive avec beaucoup de poussière qui se forme dedans, ça pourrait peut-être aussi occulter un petit peu l'étoile et la rendre plus faible. En apparence. Ça signifie pas nécessairement qu'elle est sur le point d'exploser. Voilà, alors la probabilité est quand même globalement assez faible. On pense que la phase dans laquelle elle est va durer encore 100 000 ans avant qu'elle explose. Maintenant, évidemment, on ne sait jamais. La probabilité n'est pas nulle non plus. En bref, selon 2 études parues dans Science et Science Advances, l'informatique quantique pourrait fonctionner avec l'électronique classique. Et pour l'informatique quantique, ce sont de grandes avancées. Les qubits, les bits quantiques, pourraient fonctionner sur des ordinateurs traditionnels. Les chercheurs de l'université de Chicago montrent dans ces études que les qubits seraient compatibles sur des supports en carbure de silicium, des composés chimiques qui sont omniprésent dans l'électronique actuelle. Les qubits seraient également compatibles avec la fibre optique et pourraient donc fonctionner sur de longues distances. Dans Geophysical Research Letters, la NASA a révélé hier une nouvelle carte de la planète Mars. Il s'agit d'un atlas de l'eau glacée enfouie sous Mars. Cette carte a été réalisée grâce aux données du spectromètre à rayons gamma des sondes en orbite, le Mars Reconnaissance Orbiter et le Mars Odyssey. Sur cette carte martienne, on voit que sous la plaine d'Arcadia Planitia, des étendues de glace se trouvent à seulement 2 cm de profondeur et dans une zone où des atterrissages futurs sont réalistes. Rappelons que la NASA prévoit d'envoyer des astronautes d'ici 2030. Cette région représente donc une cible idéale. Il reste encore à vérifier l'évolution des réserves de glace en fonction des saisons martiennes. Et tout au long de la semaine dans le Journal des Sciences, nous avons parlé du fait que notre corps vieillit en 3 cycles distincts. Il a été question de l'élaboration d'un vaccin contre les maladies intestinales chroniques, de la désoxygénation des océans qui menacent les écosystèmes marins, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha en ultra bref. Cette semaine, dans une grotte de Sulawesi en Indonésie, des archéologues ont découvert la plus ancienne scène de chasse de l'art préhistorique. Une fresque vieille de 44 000 ans. On y voit des figures mi-humaines, mi-animales en train de chasser des cochons sauvages et des buffles nains. C'est aussi l'œuvre d'art figurative et narrative la plus vieille à ce jour. Le 27 novembre dernier, on faisait la découverte d'un gigantesque trou noir dans notre Voie lactée. Un trou noir de 68 masses solaires, une masse que l'on pensait impossible. Mais de nouvelles études suggèrent qu'il s'agit peut-être d'une erreur de calcul, et notamment dans le calcul de la masse de l'étoile qui gravite autour. Et enfin, depuis 1965, seulement 20 entreprises ont causé plus d'un cinquième de l'acidification des océans. Depuis 1880, nos océans sont maintenant 26% plus acides. Les producteurs de gaz et de pétrole en sont en grande partie responsables. Dans cette liste, on trouve notamment Shell et BP. Et on passe au journal de la science-fiction, comme tous les vendredis consacrés à la science-fiction. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Cell Neuron. Il est possible de contrôler les ondes du cerveau pour améliorer la concentration. On sait que l'intensité du rythme alpha est liée à la perception et à l'attention visuelle. Par exemple, si vous regardez un écran et que vous faites attention à la partie gauche, vous allez avoir une diminution de l'intensité alpha dans la région du cerveau qui traite le champ visuel gauche et une augmentation dans la zone opposée. Ce phénomène s'appelle la latéralisation de l'alpha. On ne savait pas si cette latéralisation de l'alpha est une signature de l'attention et de la visualisation ou si au contraire, elle participe à la concentration. Les chercheurs du MIT ont donc mené une expérience. Des patients sous électroencéphalographe devaient se concentrer sur des motifs sur un écran. Ils ont appris à contrôler leurs propres ondes cérébrales grâce à un système de neurofeedback. Ruffin Van Rulen est directeur de recherche CNRS au laboratoire CERCO, cerveau et cognition à Toulouse, et au nouvel institut d'intelligence artificielle ANITI. Alors, le neurofeedback, ça consiste à donner en temps réel un retour au sujet sur sa propre activité cérébrale. Donc ici, dans cette étude, c'est sur la latéralisation de son propre rythme alpha. Par exemple, un type de neurofeedback, c'est plus l'activité cérébrale est intense, plus le stimulus qui est en face du sujet grossit. Et donc grâce à ce retour, en quelques dizaines de minutes, le sujet peut apprendre à contrôler cette activité cérébrale. Donc leur hypothèse, c'était que si l'activité alpha, c'est simplement une conséquence du traitement visuel, alors le neurofeedback ne devrait rien changer à la performance des sujets, alors qu'au contraire, si cette activité alpha contribue effectivement à la perception, à l'attention visuelle, alors le neurofeedback devrait permettre d'améliorer les capacités visuelles, les capacités attentionnelles. Et c'est ça qu'ils ont trouvé dans cette étude. Ce qu'ils ont fait grâce au neurofeedback, c'est qu'ils ont pris deux groupes de sujets. Ils leur ont appris à contrôler la latéralisation de l'alpha, soit vers la gauche pour un groupe, soit vers la droite pour l'autre groupe. Et ensuite, quand ils ont testé ces mêmes sujets dans une tâche perceptuelle, ils ont observé une amélioration des capacités attentionnelles du côté correspondant. Et donc, grâce à ça, ils peuvent conclure que l'activité alpha joue un rôle causal, effectif, dans la perception et l'attention visuelle. Sur la manipulation des ondes cérébrales, justement, ce sont des essais convaincants ? Oui, c'est assez convaincant, avec quand même des limites importantes, parce que ça se fait avec une machinerie assez imposante. Donc là, ils l'ont fait dans une MEG, une magnéto-encéphalographie. C'est pas quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, mais dans des conditions de recherche, c'est un phénomène intéressant et qui est convaincant, oui. Voilà, grâce au MIT, on peut donc se faire pirater les ondes cérébrales, c'est intéressant. Bref, Natacha, en Chine, une première, des généticiens ont réussi à donner naissance à des chimères mi-singes, mi-cochons. Oui, des cochons OGM, d'apparence normale, mais avec des cellules de macaque crabier. Les chercheurs ont d'abord modifié des cellules souches de singes pour pouvoir les localiser plus tard chez les porcelets. Ils ont injecté ces cellules souches dans des embryons de porc 5 jours après leur fécondation. Sur les 4000 embryons modifiés, 10 sont arrivés à terme, mais tous sont morts dans les jours qui ont suivi. L'objectif de ces manipulations, à terme, c'est de produire des organes humains, des chimères animal-humains, pour ensuite les transplanter. Mais les auteurs de cette expérience sont sceptiques. Les proportions de cellules singes par organe restaient très faibles. Les détails sont à lire dans la revue Protein and Cell. Et d'ailleurs, à ce propos, un nouveau film, La planète des cochons, se prépare. Non, La planète des singes, pardon. On ne sait plus. On se trompe maintenant. Voilà, c'est une 10e version. Une 10e version cinématographique du roman du français Pierre Boulle. Voilà, Disney, qui a racheté la Fox et tout son catalogue, a annoncé un nouveau remake à la réalisation Wes Ball, le réalisateur de la trilogie SF Le Labyrinthe. Et puis, on poursuit avec des nouvelles du quatrième opus de Matrix. Et le prochain opus serait réalisé par Lana Wachowski, mais sans sa sœur Lily, avec au casting toujours Neo et Trinity, interprétés par Keanu Reeves et Carrie Ann Moss, et de nouveaux personnages, notamment Jonathan Groff, révélé dans la série The Mindhunter. On n'en sait pas plus sur l'histoire, mais la Warner a annoncé des dates. Le tournage va commencer en février à Chicago pour une sortie en salle le 21 mai 2021. Et pour conclure, comme chaque semaine par la rubrique des sciences improbables, aujourd'hui, une chouette nouvelle méthode pour enterrer ses morts. Il s'agit du compostage humain. La société américaine Recompose vient d'inventer donc la première installation de compostage humain. Le projet a été adopté par l'État de Washington. Ça consiste à recouvrir les corps de copeaux de bois et de les enfermer dans des sas hermétiques. 30 jours plus tard, on obtient du terreau. Les familles peuvent ensuite le récupérer et l'enterrer dans la nature. Selon l'entreprise, il s'agit d'un engrais de très bonne qualité et d'une méthode plus écologique que la crémation ou que les enterrements. Bon, voilà, la société Recompose ouvrira ses portes et ses étuves en 2021. Qui sait qui a mangé des bonnes tomates du fond du jardin? Allez, merci beaucoup Natacha. On se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Serge Lehmann est donc notre invité à l'occasion de la republication de Faust en intégrale. C'est aux éditions du Diable Vauvert. On reparlera de Faust dans quelques minutes. Mais pour commencer, Serge Lehmann, un mot, parce que vous faites évidemment rien comme tout le monde. Vous avez un profil plutôt littéraire, Hippocagne. Et puis vous changez de braquet pour vous lancer dans un master d'histoire des sciences, littérature, sciences. C'est le dilemme cornélien fondateur. Oui, enfin... Il y a même un deuxième dilemme qui est littérature ou art graphique, parce que j'ai dessiné beaucoup à l'adolescence et si j'avais été assez bon, j'aurais fait une carrière de dessinateur, ça m'aurait comblé aussi. J'écris parce que je peux pas dessiner en fait, pas assez bien. Mais oui, les sciences parce que je cherchais désespérément dans mes études une manière de raccrocher ce que j'apprenais à la fac avec mon intérêt à l'époque presque exclusif qui était la SF effectivement, et aussi parce que je vivais à ce moment-là avec une femme qui faisait de l'histoire des sciences, qui venait des mathématiques, et donc j'ai découvert en fait ce monde. Elle disait en souriant, on dit en général que les philosophes des sciences sont pas assez bons ni en philosophie ni en sciences pour avoir une discipline unique, et donc ils sont des hybrides, et finalement ça m'allait assez bien aussi. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'histoire des sciences particulièrement? Mais c'était justement la façon dont l'interaction entre sciences et société se faisait. Quand on fait de l'histoire des sciences, on découvre non pas l'intérieur ou l'intimité du processus scientifique, parce qu'on n'est pas soi-même un scientifique, donc on n'a pas accès de première main au travail mathématique qui, en fait, depuis le 19e siècle, caractérise toute activité scientifique qui se respecte. Mais on a, par contre, accès aux aspects institutionnels, à la façon dont sont déterminés l'intérêt des programmes scientifiques, comment on les choisit, quel impact ils ont sur la société, comment la société se prépare à les recevoir. Et ça, c'est la matière même de la science-fiction. Il y avait justement un domaine particulier d'histoire des sciences qui attirait plus votre attention, ben moi, en lien ou non avec l'ASF d'ailleurs. Oui, si, oui, bien sûr, l'astronomie est ce qu'il y a de plus glamour et de plus frappant tout de suite. Donc j'ai fait ma maîtrise à l'Observatoire de Paris sur le projet de la carte du ciel, qui était à la fin du 19e siècle un grand projet photographique universel, de photographie du ciel, qui était coordonné par l'Observatoire de Paris. Voilà, donc on a des archives là-bas qui sont passionnantes sur ce sujet. Et aujourd'hui, vous suivez encore un peu l'actualité scientifique? Oui, mais beaucoup moins qu'avant. De loin, régulièrement de loin, mais aussi parce que peu à peu, finalement, je me détache de la science-fiction orthodoxe. parce que mon univers personnel se déploie dans une direction un peu inattendue pour moi. Voilà. C'est-à-dire ? Finalement, on pourrait dire que je cherche à écrire une science-fiction sans science. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'au fond, l'équation ultime de la SF, s'il y en a une, elle repose sur un certain type d'émerveillement qui lui-même procède de la fabrique du langage et des idées, et pas forcément de la science pure et dure en elle-même. Pour moi, Borges, dans la bibliothèque de Babel, c'est de la science-fiction pure. Quand il raconte l'existence d'un univers qui est une bibliothèque infinie, il y a une forme de rationalité là-dedans, mais qui n'a rien à voir avec la science, vous voyez. Et c'est cette... où on trouve ça aussi chez Murakami, par exemple, quand il décide, dans 1984, de faire un monde à deux lunes. On sent bien qu'il y a une rationalité profonde là-dessous, mais on ne sait pas de quel ordre elle est. Elle n'est pas scientifique, elle est autre part. Donc c'est ça que je cherche en ce moment. C'est en fouillant un peu dans votre biographie, Serge Lehmann, j'ai trouvé autre chose d'assez intéressant, puisque vous êtes un homme de radio également, 1982, ouais. Précurseur avant même notre maître à tous, François Angelier, qu'on salue. Là, c'est l'heure du petit blanc au bar du coin après l'enregistrement de l'émission pour dévoiler les secrets d'antenne. Bref, vous avez créé la première émission consacrée au mauvais genre sur une radio communiste, me dit-on. Oui, en 82, quand la bande FM a été ouverte aux radios privées, enfin aux radios libres. Moi j'habitais dans l'Essonne, et juste à côté de chez moi, il y a une radio communiste qui s'est lancée, qui s'appelait Radio Top Essonne, et qui a fait passer une petite annonce disant qu'il cherchait des gens pour venir parler de bande dessinée une fois. Donc j'y suis allé, moi j'étais déjà un grand lecteur, je faisais un tout petit peu des débuts, quoi, j'avais 16-17 ans, et finalement ça, mon intervention, puis à l'époque j'étais avec quelqu'un qui est devenu célèbre aujourd'hui, c'était un camarade de lycée qui s'appelait Gilles Verdez, donc aujourd'hui c'est un animateur de télévision bien connu, et oui on était ensemble en Hippocagne, et c'était étrange. C'est inattendu, hein, Gilles Verdez, je dois dire que je m'y attendais pas non, tout à fait. Non, moi non plus, je m'y attendais pas du tout, mais c'est comme ça, c'est un bon ami, et donc on a fait de la radio tous les deux, et notre intervention a suffisamment plu pour qu'on nous propose une émission. D'accord. Et donc on a créé, qui s'appelait Potion Magique, et où on a reçu tous les gens de Métal Hurlant, c'était alors qu'on avait 18 ans, quoi. Mm-hmm. Et ça a duré longtemps ? Ça a duré deux ans, et puis ensuite, moi j'ai arrêté mes études, je suis parti travailler dans les toutes premières librairies albums, et donc à ce moment-là, c'était plus possible. Mais oui, c'est une expérience assez fondatrice, ouais. Alors, on va parler un peu de votre rapport à la science-fiction, on va essayer d'aller creuser, miner un peu votre imaginaire, Serge Lehmann. Comme les super-héros dont on va reparler dans quelques instants, vous avez, vous aussi, une sorte de mythe fondateur. Alors, pas de parents assassinés dans une ruelle, pas de morsure d'araignée, enfin, que je sache en tout cas. Mmh. Mais vous racontez que votre coup de foudre pour la SF, c'est la découverte des 500 premiers volume de la collection Anticipation du Fleuve Noir dans une bibliothèque. Vous avez ouvert une armoire et d'un seul coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je m'en suis rendu compte après parce que je le racontais avec tellement de plaisir. Je me suis dit, c'est une sorte de mythologie personnelle, mais c'est quand même vraiment arrivé. Je suis allé à la bibliothèque municipale où j'avais 10 ans. Ça faisait quelques mois qu'un copain de classe qui portait le même prénom que moi et qui était très bizarre, qui faisait de la chimie dans sa cave à 10 ans. C'était très bizarre. Me disait, va à la bibliothèque, il y a des livres incroyables et tout, ça me tentait pas. Et puis un jour, j'y suis allé, et je suis arrivé avec un exemplaire d'un livre que j'avais trouvé dans le grenier de mes grands-parents, qui était Le sous-marin de l'espace de Françoise Daubonne, qui était vraiment un livre pour enfants, en disant, est-ce que vous en avez d'autres comme ça? Et donc, j'étais tout seul dans la bibliothèque avec une dame qui tenait la bibliothèque, une dame âgée, qui m'a emmené au fond de la bibliothèque, qui a ouvert une armoire, et effectivement, dans cette armoire, il y avait les 500 premiers volumes de cette collection légendaire, Anticipation Fleuve Noir, qui avait pour caractéristique d'avoir une fusée, tous les livres avaient une petite fusée en train de décoller au dos. Sur la tranche. Et donc, on voyait une espèce d'armada de vaisseaux qui décollaient dans une armoire, et je me souviens, mais c'est comme si c'était hier, d'être frappé par le sentiment du destin, il n'y a pas d'autre mot, quoi, en ce qui me concerne, et de me dire, mais c'est ça, je vais faire ça. Et j'ai fait ça. Et je peux pas c'était bien plus qu'une séduction, c'était le sentiment de j'ai trouvé, instantanément. Et j'ai jamais rediscuté ce moment, en fait. Il est fondateur même encore aujourd'hui, quoi. J'ai passé une partie de ma vie à collectionner cette série, et j'ai les 500 premiers devant mon bureau parce que c'est mon talisman, en fait. Ouais. Ben, c'est votre talisman au point tel que Wonderland, qui est la deuxième nouvelle. Alors je sais pas s'il faut dire nouvelle, Alain dans sa préface dit novella, voilà, mais en fait c'est un roman. C'est un roman. Ouais. De Faust, de l'intégrale de Faust, vous avez désiré, ou c'est de la mémoire reconstruite, ça vous? Non. Vous avez dit ce sera le numéro 2000. Ben, comme beaucoup de fans, parce que c'est probablement le plus mauvais endroit pour démarrer une carrière littéraire. J'étais un fan, quoi. Donc, comme tous les fans, j'ai fétichisé les détails. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Et la numérotation du Fleuve Noir était un sujet de fétichisme parce qu'il y avait un rythme de parution. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre comment marchait l'édition, vers 12-13 ans, après 2-3 ans de lecture complètement démente, j'ai calculé en fait où en était la collection et à ce rythme-là, quand est-ce qu'elle arriverait au numéro 2000? Parce qu'à l'époque, dans les années 74-75, l'an 2000 était encore un grand mythe. Et je me suis dit, il doit y avoir rien de mieux pour un auteur de science-fiction française que publier le 2000 de cette collection. Et donc j'ai calculé que j'aurais de 32-33 ans quand il serait dans le vide. Je me jure de le faire. Et je l'ai fait en fait, c'est dément. Je suis arrivé un jour au Fleuve Noir, j'avais publié deux romans et j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un a réservé le numéro 2000? Et tout le monde s'est dit, bah non, personne n'y a pensé. J'ai dit, bah, je vais le faire moi. Voilà. Et j'ai terminé ce numéro, l'écriture de ce livre, le jour de la naissance de ma fille. Donc je suis vraiment sorti de l'enfance ce jour-là. Non mais c'est un vrai destin de super-héros, hein, c'est le Fatoum qui s'abat. C'est un drôle de truc, ouais, absolument. Et le premier de ces livres, de cette collection Anticipation Fleuve Noir, c'est lequel que vous vous souvenez? Oui, c'est Richard Bessières, Les Conquérants de l'Univers. C'est un livre qui, en fait, c'est le premier tome d'une pentalogie. Il a fait les 1, 2, 3, 4, et puis le cinquième est paru plus tard, parce qu'il y a d'autres auteurs qui sont arrivés à ce moment-là. Et c'est une pentalogie, c'est un cycle romanesque qui est très inspiré d'un énorme feuilleton des années 30, d'un auteur qui s'appelait Nizrol, et qui s'appelait Les Conquérants du Ciel, ou Les Aventuriers du Ciel, je sais plus, qui a été un truc qui a passionné les enfants français pendant les années 30, et qui racontait le tour du système solaire par une expédition française, la découverte des différents peuples sur les planètes du système solaire. Et c'est vraiment une reprise de ce thème qui a fondé la collection Anticipation Fleuve Noir dans les années 50. Ouais. C'est intéressant parce que c'est de la science-fiction, vous le dites, et c'est un thème qui est cher à votre cœur, Serge Lehmann. C'est de la science-fiction française, une équipe française. Vous dites quelque chose d'intéressant à propos de la SF française. Je voulais en parler plus tard, mais puisque vous le dites maintenant, vous dites qu'il y a une occultation de l'histoire de la SF en France qui aboutit à une situation très paradoxale, qui est en gros que nous sommes le pays fondateur, le berceau de la science-fiction, et que nous vivons dans l'illusion que c'est un genre américain. Exactement. C'est d'ailleurs assez frappant, et je pense que ça peut être un sujet de méditation sur la force de la publicité. Dans les années 50, quand après la série noire, les éditeurs français se sont dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce genre américain incroyable qui a 30 magazines, qui vient de sortir ses premiers chefs-d'œuvre que sont Les Chroniques martiennes, L'homme démoli de Alfred Bester, Le monde des noms de Van Vogt, etc. Tout ça venait de paraître. On a lancé les premières collections de science-fiction labellisées ainsi, puisque le mot a été importé sans être traduit. C'est science-fiction, ça, en anglais, ça veut dire, c'est comme love story, hein, ça veut dire histoire de science, fiction de la science. Mais on l'a pas traduit en français pour des raisons qui sont assez compliquées, mais sur lesquelles je peux revenir éventuellement. On n'y a pas traduit, on a ajouté un trait d'union. Voilà. Et ça, c'est un truc très français. Et on a accompagné ce lancement en 1950 d'un message qui est les Américains ont inventé un genre, dont Jules Verne est le lointain ancêtre. Et donc tout ce qui avait en fait suivi Jules Verne en France jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui représente un catalogue qu'à l'époque, quand j'ai fait la première anthologie Chasseurs de chimères, j'estime à 3000 titres, mais en fait on sait aujourd'hui qu'on est plus près de 10 000. C'est quand même un corpus gigantesque, a été entièrement oblitéré de la mémoire collective française. On a pris pour argent comptant ce message que la science-fiction était un truc inventé en Amérique dans les années 20. Et donc, il ne pouvait pas y en avoir avant. Et ça nous a rendu aveugles sur notre propre patrimoine. Ce qui est une situation tout à fait bizarre, en fait. De cécité cognitive volontaire. Oui, on a parlé du merveilleux fantastique ici avec Alterac et le merveilleux scientifique. L'ancêtre de la SF. Voilà, c'est ça, l'ancêtre de la SF avec Maurice Renard et tout ça. C'est vrai que ce passé-là, il est... Il a été oblitéré. Il a été oblitéré. Il a commencé à être collecté par ce génie qui était Pierre Versin dans les années 70 avec la grande encyclopédie des voyages imaginaires et de la SF et de l'utopie. Il a été approfondi par quelques éditeurs, les éditions Néo à la fin des années 70, au début des années 80, qui ont réédité une bonne partie du fond ancien, enfin les titres les plus importants. Puis ensuite, il y a Francis Lacassin qui a inventé chez Bouquin Lafond les gros recueils de Gustave Leroux, Maurice Renard, justement, etc. Et puis il y a eu ensuite l'activité extraordinaire de Joseph Alterac et Guy Coste pendant toutes les années 90, où ils ont fait des listes, des inventaires. Jacques Baudou aussi avait beaucoup contribué. Gérard Klein a fait des rééditions chez Lafond. Donc il y a toujours eu ce sentiment de la part des connaisseurs de la science-fiction en France qu'on avait eu un grand patrimoine, mais on savait pas trop comment le prendre. Parce qu'en fait, contrairement à la SF américaine, le patrimoine français, il démarre pas dans les années 20, il démarre avec Rabelais, comme l'a très bien montré le livre d'Alterac. Dans Micro-Mégas. Exactement. Et puis après, il y a Voltaire, et puis après il y a Cyrano de Bergerac, il y a l'an 2440 de Mercier qui est la première grande anticipation, il y a l'invention de l'Uchronie au milieu du 19e siècle, là aussi par les Français. Donc, et puis évidemment, il y a Jules Verne qui est un truc énorme. Donc, qu'on ait perdu ça, la mémoire de ça, c'est une énigme historique intéressante. À quel moment justement ça, cette quête-là, puisque c'est vrai que ça parcourt un peu l'ensemble de votre œuvre, qu'elle soit littéraire, en bande dessinée, en scénario, à quel moment vous vous rendez compte qu'il y a effectivement que c'est ce matériau-là que vous voulez travailler, que vous voulez refranciser la science-fiction? C'est venu dans la deuxième partie des années 90 pour plusieurs raisons. La première, c'était que on était en train de vivre un âge d'or de la science-fiction, alors non plus américaine, mais anglo-saxonne en général, avec un renouveau de l'école anglaise et en particulier écossaise, qui était remarquable. Ian Banks en particulier, exactement, dernier grand utopiste contemporain. Mais il y avait aussi une science-fiction australienne qui commençait à être absolument fascinante avec Greg Egan, une science-fiction canadienne, bon... Et nous, on savait que tout ça arrivait. C'était une science-fiction hyper intello, très bien écrite, souvent très à gauche. Et la critique française n'en parlait pas du tout, mais comme si ça n'existait pas. Ce qui était quand même quelque chose de tout à fait anormal. Et donc moi, en tant qu'acteur du genre, je me suis dit, mais à quel moment on se dit que justement on est sorti d'une espèce d'indifférence pour se dire, là, il y a une négation. Et donc je suis retourné dans les années 20-30 pour me dire, avec une première question qui était, en gros, est-ce que c'était déjà comme ça avant la guerre, avant qu'on parle de science-fiction américaine? Comment est traité Rony Aîné, Maurice Renard? Maurice Renard, il était secrétaire adjoint de la Société des gens de lettres, Rony Aîné était président de l'Académie Goncourt, c'était quand même pas des petits personnages. Et ils étaient plutôt bien accueillis du point de vue de la critique. Mais on sentait quand même que le merveilleux scientifique de l'époque était un genre à la fois respecté mais marginal, quoi, qui ne concernait que quelques œuvres, chose qui finalement s'est avérée fausse. Donc le premier désir pour moi, c'était d'avoir une sorte de diagramme comme ça de l'attention portée à la science-fiction tout le long du XXe siècle. Et donc du coup, j'ai redécouvert l'importance de la SF française d'avant-guerre. Et la deuxième chose, c'est un numéro d'une revue publiée par Francis Valéry et Sylvie Denis dans les années 90, une revue qui s'appelait Cyber Dreams. Ils avaient consacré un numéro à l'utopie et au monde parallèle. Et dans ce numéro, il y avait deux nouvelles. Une de Kim Newman, auteur anglais, qui racontait la chute de Superman en Allemagne nazie, Übermensch, et comment le Superman nazi était condamné à mort après guerre, voilà, et acceptait volontairement son sort en disant je me suis trompé, c'est vrai, je suis pas tombé au bon endroit. Et l'autre, une nouvelle de David Brin et Gregory Benford, deux auteurs de hard science américains, qui s'appelait Paris Conquers All, Paris gagne tout, où on montrait le vieux Jules Verne en train de repousser l'invasion des Martiens de Wells. Je me suis dit, comment se fait-il que les Anglais et les Américains s'éclatent avec notre patrimoine et que nous, on le connaisse même pas? Il y avait une espèce d'absurdité, quoi. Donc, voilà, donc les deux, la rencontre, disons, de ce truc critique, cette attention critique et la découverte que finalement, c'était pas un patrimoine mort mais pour les musées, mais qu'il était toujours vivant pour d'autres. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et donc, c'est là que j'ai monté le projet Métropolis, qui a finalement eu un héritage bizarre. C'est-à-dire un héritage bizarre. Un héritage bizarre qui est que je suis parti pour en me disant, je vais faire une grande uchronie sur la première partie du XXe siècle où on verra tout ça. Et puis, j'ai pas réussi. C'était au-dessus de mes forces littéraires à l'époque. Mais par contre, l'héritage bizarre, c'est que ça a donné la Brigade Chimérique, ça a donné Métropolis en bande dessinée. Et finalement, les Chasseurs du Chimère, enfin, ce projet raté a explosé, mais j'ai recyclé les fragments pendant 10 ans, quoi. Il a donné lieu à de nouvelles pousses, à de nouvelles, exactement, branches. Et, alors un mot peut-être justement, parce qu'on va parler justement de ça, de la Brigade Chimérique et de ce travail autour de ça, mais juste peut-être une question impossible, Serge Lehmann. Un seul auteur qui est essentiel à la constitution de votre imaginaire de science-fiction. Un. Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne, vraiment. Le choc éprouvé à la lecture de Voyage au centre de la Terre, où j'avais 8-9 ans, je retrouve presque la sensation physique de la page que je tourne. C'est la page, vous savez, au début de Voyage au centre de la Terre, le professeur, l'oncle d'Axel, donc les personnages qui vont descendre au centre de la Terre, examine une sorte de manuscrit trouvé dans une bombe volcanique. Enfin voilà, et c'est le fameux manuscrit d'Arne Saknussemm qui dit par où il faut entrer pour aller au centre de la Terre, par quel volcan éteint il faut passer. Et il y a un code et qu'il faut décrypter. Et les pages où on décrypte le code et où donc d'un seul coup on est devant un acte de cryptographie qui dépouche sur un message, genre on peut descendre au centre de la Terre. J'étais émerveillé. Et tout ce que j'avais lu avant a été instantanément périmé. C'est-à-dire, je suis sorti du Club des Cinq et que je lisais quand j'étais vraiment petit, en n'ayant plus de passion que pour ce genre d'histoire, voilà. Et alors que je ne connaissais pas le mot science-fiction, je disais j'en veux d'autres des comme ça à mes parents parce que je ne connaissais pas le genre. C'est pour ça que cette histoire de la bibliothèque est si importante, c'est que là, c'est là où on m'a dit mais il y a un genre. Mmh. Et voilà. Et donc Verne. Et puis après, par ailleurs, Verne, on le réduit souvent à 3-4 histoires, l'île mystérieuse, les enfants du capitaine Grant, le centre de la Terre, le monde perdu. Voilà. Mais en fait, il a écrit 60 volumes et il couvre pratiquement l'ensemble du champ. Il y a des utopies, il y a des récits futuristes, il y a de tout là-dedans. Hein. Donc, non, c'est vraiment, oui, s'il en faut un qui soit majeur, c'est celui-là. Pour on peut renvoyer vers les travaux du camarade François Angelier, son dictionnaire Jules Verne, qui est une somme assez considérable et tout à fait passionnante. Et en bande dessinée, Serge Lehmann, alors vous dites que vous êtes noyé dans la BD franco-belge, celle que l'on connaît tous, mais il y a deux héros singuliers qui marquent votre amour de la BD jeune, Corto Maltese et Jerry Cornelius. Oui, Corto Maltese, alors là c'est une chose parentale, je lisais pif, sans rien distinguer, pour moi Teddy Ted et Corto Maltese, tout était pareil, et un jour mon père, qui était quelqu'un d'intellectuellement pointu déjà sur ces choses-là, mes parents m'ont eu très jeune, ils avaient 20 ans, donc ils étaient en plein dans la contre-culture, j'ai été élevé là-dedans moi aussi, c'est aussi pour ça que ça résonne tellement. Je vois la main de mon père tomber sur une page de Corto Maltese, il me dit ça c'est bien. Et donc oui c'est effectivement c'est bien quoi. Et effectivement dès que l'attention était portée dessus, on sentait que c'était d'un niveau littéraire beaucoup plus élevé que ce qui passait dans Pif, qui par ailleurs était formidable souvent, il y a pas de problème. Mais Corto Maltese était au-dessus. Et puis le garage hermétique de Jerry Cornelius, le personnage du major Gruber. Évidemment. Alors là, on est devant une sorte de c'est l'œuvre d'art absolue quoi. Il est aujourd'hui exposé à la Fondation Cartier, c'est pas pour rien, il y a une perfection du dessin et une liberté absolue de l'écriture qui fait que on se dit voilà un acte artistique absolument majeur quoi, et ça l'est encore, c'est une œuvre qui a une influence mondiale en BD plus que chez Moorcock. Oui. La bande dessinée, la beauté du dessin de Moebius est telle que c'est elle qui enlève le morceau quoi. Vraiment. Et puis, si on se rapproche dans le temps, il y a évidemment la rencontre avec Alan Moore. On va en parler d'Alan Moore, notamment autour de son travail sur la figure des super-héros. Oui. Ben Alan Moore, moi j'ai eu la chance de le lire à 20 ans, en 84, parce que je travaillais dans les premières librairies albums, donc on avait les comics en import, et on a vu arriver V pour Vendetta, et on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose d'entièrement nouveau. Mais finalement, je ne l'ai vraiment redécouvert qu'à la fin des années 90, au moment de la Ligue, et puis au moment où il a fait l'univers ABC, donc Promethea, Tom Strong, ce voyage dans la mythologie des super-héros, mais qui est magnifique, un sommet d'intelligence. Top Ten, voilà, qui était un hommage aux séries policières américaines télé. Puisque Moore a dit lui-même qu'il voulait expérimenter une narration de type série télé. Et effectivement, ces douze épisodes de Top Ten, c'est un chef-d'œuvre d'écriture, d'intelligence et d'humour. Il y a toujours beaucoup d'humour chez Moore. Un seul, si. Alors pareil, choisissez un Alan Moore, c'est lequel ? Pour moi, ce serait Prométhée, hein, pour des raisons personnelles et aussi parce que c'est peut-être de tous ces dessinateurs celui qui a le plus de charme. C'est J.H. William III, je crois, qui dessine Prométhée et... la beauté de ce dessin, l'extraordinaire profusion de la mise en page où il y a toutes les pages, il y a des dés, il y a des cartes à jouer, il y a du lierre, il y a des choses collées, des bouts de dentelle, c'est merveilleux quoi, c'est vraiment visuellement c'est comme un poème. Et puis Alan Moore évidemment c'est aussi. Et puis Alan Moore. Quelqu'un veut un whisky ? Je vous en prie, servez-vous. Attention de ne pas abîmer votre maquillage. Vous m'épatez, monsieur Gray. Je vois que la singularité de Skinner ne vous étonne guère. Ma foi, j'en ai trop vu dans ma vie pour m'émouvoir encore. Quoique j'admette, ma chère, être surpris de vous revoir. Nous nous sommes quittés à regret la fois dernière. C'était quand ? Ah, je vois. Vous n'êtes là que pour servir d'appât. Néanmoins, cela m'intrigue de vous voir ici présente. On vous dit indestructible, Quatermain. Eh bien, un jour, un sorcier m'a octroyé ce bienfait. J'avais sauvé son village. Il a dit, jamais tu ne mourras en terre africaine. Mais vous n'êtes plus en Afrique, Alan. Non. J'avoue que je suis curieux de savoir ce qui est noté dans le dossier de Monsieur Gray. Nous avons tous un savoir-faire utile à cette mission. Un chasseur, une femme de science, Skinner qui a le don de s'effacer. À la vôtre. Qu'en est-il de vous ? J'ai l'expérience. Gray et moi avons fait connaissance il y a bien longtemps de cela. À Eton, un jour. Le temps d'une conférence, sans doute. Vous, le héros de la nation. Dorian, le jeune homme, avide d'apprendre. C'était l'inverse. Gray était en visite à Eton. Et le jeune homme, c'était moi. Voilà, extrait de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, un film assez oubliable, il faut le dire, de Stephen Norrington, mais d'une BD inoubliable d'Alan Moore. Oui, ben oui, oui, absolument. Un mot sur La Ligue des Gentlemen, parce que évidemment, on va parler de la Brigade Chimérique. Oui. Et Il y a une différence entre Alan Moore et moi, outre qu'il a 10 ans de plus, c'est que c'est qu'il a l'intuition de ce qui va marcher. il fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est une tentative assez géniale pour montrer que les personnages de la grande SF victorienne de la fin du 19e siècle. Parce qu'on peut préciser que là, on entend Mina Harker, la femme de Jonathan Harker de Dracula. Il parle de Dorian Gray. De Dorian Gray, voilà. Alan Quatermain, héros d'aventure. Exactement, voilà. Qui était créé par les Anglais pour contrecarrer Jules Verne, d'une certaine manière. Et Skinner, qui est l'homme invisible. Et puis, il y aura aussi le Dr. Jekyll, etc. Exactement. Donc, c'est cette galerie de personnages... Et Nemo. Évidemment. Cette galerie de personnages qui sont issus de l'Angleterre de la fin du 19e. Mais d'ailleurs, Moore parle souvent des hommes mystérieux qui sont à Paris, dans lesquels il met le Nyctalope. Donc, il annonce déjà le pendant français de la Ligue britannique. Tous ces personnages sont très connus. L'homme invisible, Dorian Gray, tout ça, ce sont des mythes littéraires. Alors que nous, avec la brigade, on a un peu fait l'inverse. On a pris des héros oubliés. On a essayé de démontrer pourquoi ils avaient été oubliés. Ils sont pas tous oubliés, puisqu'il y a... Dans ceux qu'on avait choisis, le Nyctalope est complètement oublié. Le Nyctalope est oublié. L'écurie ne le sont pas trop. Non, l'écurie, oui, mais l'écurie sont des personnages réels. Mais par exemple, Givreuse, l'homme double, est oublié. Félifax est complètement oublié. Donc c'était Moore a choisi des héros super célèbres et nous on a choisi des héros qui étaient tombés dans un trou noir. Voilà. Et c'est ça la grande différence entre la Ligue et la Brigade. Et puis le sous-texte politique n'est pas le même. Alan Moore est un anarchiste. Le message de la Ligue est essentiellement libertaire. Nous, c'était un peu différent. On voulait parler de la Seconde Guerre mondiale assez précisément. Donc l'ambition n'est pas tout à fait la même. Comment ça naît justement la Brigade Chimérique, Serge Lehmann ? Ça naît du titre. C'est vraiment ça. C'est moi, je suis quelqu'un qui marche au titre la plupart du temps, pas tout le temps, mais j'ai un titre et je me dis waouh, j'aime tellement ce titre qu'il faut que j'écrive l'histoire qui va avec, sinon voilà. C'est un bon point de départ. Voilà. Et donc c'est un titre qui est venu. Pendant que je faisais ces recherches sur le roman scientifique français d'avant-guerre, où les auteurs utilisent très souvent le mot chimère ou chimérique pour parler justement de la science-fiction et des êtres de la science-fiction. Et d'autre part, c'est une période où il y a les brigades du Tigre, les brigades internationales. Donc il y a une espèce de rencontre, la brigade chimérique. Je dis, c'est un très beau nom, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et donc après, l'imaginaire s'est mis en route et c'est le travail de construction. Quoi. Mais l'origine, c'est vraiment ce titre. L'ambition, c'était de raconter la fin des super-héros français, européens. Européens, oui. Ouais. Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est quoi la fin des... Pourquoi raconter la fin des super-héros européens ? Pourquoi les super-héros français, finalement, effectivement, alors qu'ils ont existé, n'ont pas pris dans la culture populaire et ont été là aussi, comme la science-fiction, supplantés par... Ils ont pris dans la culture populaire. Le Nyctalope était très populaire dans la France de l'entre-deux-guerres. C'est le thème du surhomme qui est maudit après la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Le thème du surhomme ne peut finalement... se développer que dans une civilisation qui est tellement sûre de ses valeurs qu'elle peut les exprimer sous cette forme, y compris de manière éventuellement conflictuelle. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il n'est plus question de faire des héros surhumains en Europe. Le meilleur exemple, au fond, c'est le personnage d'Olric, et particulièrement dans l'album La Marque Jaune, le fait qu'il est lui-même un super vilain classique, avec un masque... Avec un masque, avec une sorte de cape, avec des rayonnements, il a des super pouvoirs, il voit la nuit lui aussi, il est capable de sauter d'immeuble en immeuble. C'est le seul personnage de surhomme marquant de l'après-guerre, et c'est un super vilain. C'est-à-dire que la hiérarchie des valeurs en Europe après la Deuxième Guerre mondiale est faite de telle manière que si un héros doit être forcément humain et le surhomme est mauvais. Et ce ne sont que les Anglais et les Américains qui peuvent encore revendiquer l'expression de leurs propres valeurs sous la forme d'une mythologie super-héroïque. Donc chez moi là aussi c'est une émotion d'enfant quand je lisais beaucoup d'histoires de super-héros dans Strange dans les années 70. Je lisais dans un état d'euphorie totale et après je redescendais sur Terre dans la banlieue parisienne où j'habitais, je me disais mais il n'y en a pas ici, on s'ennuie ici, il n'y a pas ça, pourquoi ? Et personne n'était capable d'expliquer, donc j'ai écrit La Brigade pour répondre à la question. Il y a eu une tentative au début des années 80 avec Photonique. Non mais il y a eu des tentatives de création de super-héros français, y compris bien avant les années 80, puisque dans les années 70 Navarro écrivait pour Strange et pour des bandes françaises, faites souvent par des dessinateurs italiens d'ailleurs. Mais ces bandes n'avaient pas pour but but de parler de la France et de montrer des super-héros français. Elles imitaient simplement les bandes américaines et souvent les histoires étaient situées aux États-Unis ou non situées d'ailleurs, situées dans un monde sans. Photonique, ça se passait à Paris quand même, hein, de mémoire. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais il y a des super-héros, même Bob Moran d'ailleurs qui voit la nuit, qui lui aussi, Nyctalope, est une sorte de super-héros. Il y en a, mais ils ne sont plus sur le devant de la scène. Les grands héros qui sont sur le devant de la scène sont des héros humains en Europe. Alors on n'a pas de super-héros, mais on a quand même des super-méchants. Oui, c'est bien moi, Fantômas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Tu t'es permis d'écrire sur moi un article dans lequel tu me ridiculises. Tu fais de moi un fantoche. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. J'ai une excuse. Je ne croyais pas à votre existence. Je pensais tout de même m'avoir fait mes preuves. Dans un reportage de pure invention, tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Un fou sinistre, aigri et hargneux, triste. Moi qui suis d'un naturel si joyeux. Je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Oui, vous avez le sens de l'humour, en effet. L'humour noir, le plus rare. L'humour à froid, tout dans le masque. Pardon. Ce n'est pas le moment de te moquer de moi. Tu m'as ridiculisé aux yeux du monde. Mais tu m'as confirmé qu'aujourd'hui, un grand homme n'est rien sans la presse. Tu vas publier en première page de ton journal un nouveau reportage sur moi. Tu y révéleras ton imposture. Et si cette fois tu ne me présentes pas sous un jour qui me convienne vraiment, tu finiras dans les pires tortures. Voilà, Fantômas, évidemment, hein, Jean Marais, dans la version de 1964 du film d'André Hunebelle. Un commentaire libre, Serge Lehmann. Le commentaire, c'est que c'est une catastrophe. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on pense des films de Hunebelle, on a en France avec Fantômas un personnage universel connu dans le monde entier qui a un potentiel de terreur, il suffit de lire les histoires originelles pour le voir, qui était celui de Dracula, quoi. Enfin, on aurait pu avoir le grand monstre parisien, et on l'a pas fait. Et même, on a fait le contraire. Ce film, il neutralise Fantômas par le ridicule, en faisant une sorte de bouffonnerie. Et ça va exactement avec le fait qu'on n'a pas eu en France, en un siècle, un seul grand film français adapté de Jules Verne. Tous les grands films de Verniens sont américains. Bon. Donc il y a une négation de ce patrimoine en France, il y a un refus de le faire vivre comme si c'était en dessous de la dignité des gens qui font du cinéma ou de la télévision. Et c'est très triste en fait. Comment vous expliquez ça ? J'ai pas d'explication sur le refus du cinéma. C'est le refus du cinéma français de tout ce qui concerne cet imaginaire est d'autant plus frappant que il triomphe en bande dessinée. La bande dessinée française est mondialement connue pour ses séries fantastiques et SF. Et le cinéma et la télévision française refusent d'en faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a un mélange de peur du ridicule. Je crois qu'il y a une partie du cinéma français qui en fait tient à pouvoir justifier ce qu'il fait par la culture, la haute culture. Et même quand on fait une série moyenne, etc., il faut pouvoir dire il y a un argument social, etc. Il n'y a pas d'argument social dans la SF. C'est que du fun, la SF. C'est fait pour s'amuser. On a le droit de poser des questions sérieuses. Oh, faites pas semblant, Serge Lehmann. Il y a quand même un petit fond politique derrière la science-fiction. Non, mais il y a tout ça. Il y a le fait de se dire que l'avenir sera différent du présent. Donc, le système de valeurs auquel on évolue est relatif. Donc, ça engage plein de choses de s'occuper sérieusement de science-fiction. Mais je pense que, je vais le dire autrement, quand je m'occupais beaucoup de science-fiction par la science dans les années 90, j'ai rencontré pas mal de scientifiques qui étaient fans de SF, qui en lisaient beaucoup. Et je leur demandais pourquoi vous n'en écrivez pas, parce qu'aux États-Unis, il y a plein de scientifiques de la NASA qui écrivent de la SF et qui contribuent à sa réputation de littérature, disons, spéculative de pointe. Et les scientifiques français disaient oh non, je serais ridiculisé au sein de l'institution, je ne peux pas. Et bon, il y a une espèce de conformisme qui, je pense, s'applique aussi au cinéma et à la télé. Comment est-ce qu'on peut justifier culturellement la science-fiction dans un pays qui ne reconnaît pas son existence en tant que genre? Ça y est, c'est fait là, c'est en train de basculer maintenant, mais depuis 5-10 ans. C'est vraiment incroyable, quoi. Il y a un siècle perdu. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. 16h45 déjà sur France Culture, nous parlons de Serge Lehmann, de science-fiction, de ses travaux en bande dessinée. On a parlé de ses travaux autour de des super-héros de la Brigade Chimérique. On va parler évidemment de vos écrits, Serge Lehmann. Vous commencez assez tôt à écrire les premières nouvelles en 1984. Vous avez 20 ans. C'est quoi l'imaginaire de départ ? L'imaginaire de départ était finalement une sorte d'imaginaire osmotique. Je métabolisais tout ce que je lisais, et je lisais tout le temps. Et donc moi j'étais obsédé à l'idée d'écrire et d'être publié, de devenir écrivain. Je pensais vraiment qu'à ça, quoi. C'était la seule chose qui me faisait triper, la seule chose qui me donnait envie de devenir un adulte. Donc je regardais ce qui se publiait en France. Je me disais je peux pas écrire un roman, j'y arriverai pas. Je suis pas assez fort. Enfin j'étais littérairement, mes faibles, mes forces étaient très, très, très amenuisées. Je suis pas du tout quelqu'un qui produit comme ça en masse facilement. Ça a toujours été dur pour moi d'écrire, mais je voulais absolument y arriver. Donc j'écrivais des nouvelles et je regardais où elles étaient publiées, ce qui était publié. J'essayais de faire comme ça. Et c'est vraiment, j'essayais d'imiter les modèles, quoi. Donc dans les années 80, les modèles c'était Michel Jury, Emmanuel Jouanne, les auteurs français un peu comme ça littéraires. Tout en ayant par ailleurs des vues sur le fleuve noir qui au contraire publiait une science-fiction très populaire, très facile d'accès, etc. Tous les auteurs des années 80 avaient cette schizophrénie, ils écrivaient des nouvelles pointues et des romans faciles. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. On va parler de Faust, hein, puisque l'intégralité, les trois romans plus deux autres romans qui définissent ce qui se passe dans le même univers, hein, viennent de ressortir en anthologie au Diable Vauvert. Dans quel ordre vous avez écrit ces romans, Serge Lehmann? Le premier, c'est Faust. Je l'ai écrit en, j'ai jeté les bases de l'univers fin 93 parce qu'on était vraiment, on voyait qu'on commençait à émerger, voir émerger toutes les problématiques liées à la mondialisation sauvage. Juste après, il y a eu un essai qui a beaucoup fait parler, dont on se souvient peut-être, qui était l'horreur économique de Viviane Forrester, ça, qui était le premier essai un peu de prospective sur si on continue comme ça, voilà ce que ça va donner. Mais on le voyait, quoi. La chute du mur de Berlin ouvrait un espace à l'est, c'est évident, quoi. Enfin, que tout allait changer. Et donc le premier Faust est sorti comme ça, je l'ai écrit en 15 jours. Et puis ensuite, Ayerdal a fait l'anthologie Genèse chez J'ai lu. Donc il m'a demandé une nouvelle, Nulle part à l'Hiverion, qui se trouve dans le recueil Faust. C'est la première. Voilà. Il pose un peu les bases de l'univers, en fait. C'est ça, on voit le début de privatisation du monde, mais c'est une privatisation au premier degré. C'est-à-dire la Terre devient propriété privée de quelques grands groupes rassemblés au sein d'une organisation internationale qui s'appelle l'Instance et qui pèse de tout son poids pour obtenir les législations les plus favorables et qui finit par s'en prendre à l'idée même de l'existence des États. C'est assez passionnant parce que du coup c'est une sorte d'enquête historico-philosophique où c'est un prof à qui on demande finalement d'aller chercher dans la loi canonique antique des texte qui permettrait finalement effectivement de déposséder les États de leur capacité à gouverner. J'avais survolé le sujet, le thème juridique pendant mes études d'histoire, parce que dès qu'on fait l'histoire des États, les questions juridiques sont centrales, et la féodalité, et les Lumières, enfin voilà, tout ça, il faut absolument comprendre le rôle de la loi. Et effectivement, dans la loi, même aujourd'hui encore, on a des éléments et des fragments de lois très anciennes qui sont des lois sur la propriété des terres. Et donc, quand on spécule sur ce que pourrait être une terre entièrement propriété privée, l'idée d'avoir recours à une arnaque cachée dans la législation, une arnaque papale, saxonne et papale du 8e siècle est très amusante. Oui. Parce que, en l'occurrence, c'était le choc que j'avais éprouvé en découvrant que l'existence du Vatican était fondée sur un faux historique. Sur une fausse donation faite par Constantin, l'empereur Constantin, à l'évêque de Rome pour dire les états de l'église sont à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous êtes chef de cet état. Ce texte n'existe pas. Donc l'existence du Vatican, que personne ne remet en cause, est fondée sur un faux historique. Et je me disais, pourquoi pas tenter une manœuvre comme ça? Qu'est-ce qui empêcherait un groupe tout puissant de tenter une manœuvre comme ça? Ça raconte ça. C'est quoi, alors donc il y a Nulle part à l'Hyperion, Wonderland, qui se passe dans une sorte de gigantesque dépotoir immense qui va de Lille jusqu'à Moscou, voilà. Et puis ensuite, il y a les trois romans de Faust. Je vais vous laisser décrire, raconter en quelques mots l'histoire. C'est quoi la colonne vertébrale qui articule La colonne vertébrale, c'est justement donc dans la première nouvelle, Nulle part à l'Hiverion, on fait une sorte de tour d'univers comme ça de cette terre en voie de privatisation. Mais c'est encore le processus, il ne fait que commencer. L'action se passe en 2050. Ensuite, 20-25 ans plus tard, on est dans le Wonderland, qui est une conséquence inattendue du fait que dans ce monde, l'Afrique s'est unifiée politiquement et refuse désormais d'importer tout déchet venant d'Europe. Donc l'Europe stocke ses déchets sur son propre sol. Et ça finit par former une sorte de continuum toxique comme ça, qui va de Lille à Moscou et qui stérilise toutes les rives de la mer du Nord. Et le troisième moment du cycle, c'est l'histoire de Faust proprement dite. Ça commence en 2095, au moment où là, pour le coup, les manœuvres juridiques de l'instance s'apprêtent à développer leur pleine puissance et où une hypothétique fédération européenne du futur décide de tenter un dernier truc de résistance, quoi, une dernière manœuvre pour éviter ça, et donc créer un service spécial dont la vocation est de contrecarrer les grandes puissances privées sur tous les plans, aussi bien les forces spéciales que l'action juridique, que le gouvernement politique, etc. C'est une sorte de thriller géopolitique du futur. Vous avez des routines d'écriture ? Plus maintenant. J'en avais un peu avant parce que ça va de pair avec l'idée d'être un écrivain professionnel. On se dit qu'il faudrait avoir des routines. C'était quoi ? C'est-à-dire, ça se passe comment ? Pendant un moment, j'écrivais un premier jet aussi vite que possible, en quelques jours si possible, juste pour avoir l'influx nerveux comme ça, qui gardait du début à la fin. Et ça allait de pair avec le fait d'écrire des romans assez courts. Le Fleuve Noir publiait des romans de 200 pages, donc c'est un truc qu'on pouvait écrire à raison de 20 pages par jour. En 10 jours, on y arrive. Et ensuite, reprendre ce texte calmement et en faire quelque chose de lisible. Mais aujourd'hui, je fais plus ça. Aujourd'hui, j'ai une espèce de routine, mais qui consiste à accumuler pendant des mois des notes, des bribes, des documents, des photos qui ressemblent à ce que j'ai envie de raconter. Et puis à un moment, ça commence. Voilà. Il n'y a rien d'autre, vraiment. Vous dites, mes twists personnels d'écriture, pour m'intéresser à une histoire que j'écris, j'ai besoin d'y mettre au moins une énigme que je dois résoudre. C'est encore le cas ? Oui. C'est-à-dire que vous posez un univers en vous disant... Il y a un point aveugle que moi je ne connais pas, en me disant c'est ce point aveugle que je vais devoir résoudre en écrivant. Mais sinon il me manque quelque chose. Si je sais tout d'avance, il me manque quelque chose. Mais de toute façon, on ne sait jamais tout d'avance. Si on peut faire ou alors on est Georges Perec. Par exemple, il y a des auteurs qui ont des routines très très fermes, qui savent exactement du point A au point. Bien sûr, mais George Martin, par exemple, qui écrit, qui sait tout de tous ses personnages. Oui, c'est tout. Je crois qu'il a changé aussi plusieurs fois son fusil d'épaule. Oui. C'est très rare, si vous voulez. Surtout, alors là, pour le coup, sur des sagas. Sur une saga de 10 000 pages, je vois pas comment on peut tout planifier jusque dans le moindre détail. Aujourd'hui, disons, je suis plus proche de la façon dont Stephen King voit ses histoires, c'est-à-dire il se les raconte à lui-même, quoi. Donc il sait comment ça commence, il sait pas trop comment ça finit. Et ne pas savoir comment ça finit, ça permet quand même de garder le suspense aussi pour le lecteur. Si l'auteur ne sait pas, le lecteur ne peut pas savoir. Et c'est tout bête, mais bon. Et puis il y a un troisième facteur qui est que depuis une dizaine d'années, j'écris surtout de la bande dessinée, et donc il y a une interaction avec le dessinateur qui lui aussi a des envies d'histoire, qui peut très bien dire, mais ce personnage qu'on a mis dans l'ombre là, j'ai envie de le développer, et donc c'est à moi de le développer si je suis d'accord. Et donc il faut simplement rester ouvert quand on écrit, sinon c'est pas vivant. Voilà, il faut rester ouvert à ce qui se passe pendant l'écriture. Comment ça se passe, Serge Lehmann, la bascule justement du roman, de l'écrit, au scénario de bande dessinée ? C'est deux modes d'écriture différents, vous procédez de la même façon, c'est autre chose, comment vous le définiriez ? Alors chez moi, ça a toujours été un peu confondu. D'abord parce que j'étais, comme je l'ai dit au début, je suis un dessinateur raté, donc... Je suis sans doute plus un dessinateur raté qu'un auteur très réussi. Oui, c'est vrai. Les auteurs de science-fiction, c'est eux qui en parlent le mieux. Comme Gilles Dumay, il y a un mois, qui ne cesse de dire des horreurs de lui-même. Et non, mais sans dire des horreurs, c'est vrai que en fait, mon imagination est essentiellement visuelle, mais ça va de pair aussi avec la science-fiction, qui est un genre dont la production visuelle est absolument colossale, quoi, qui a autant d'importance que la production littéraire proprement dite. On se souvient des couvertures de pulps, pas forcément des histoires qu'il y avait dans les pulps. Oui, les couvertures sont devenues des sortes d'icônes. L'importance d'auteurs comme de dessinateurs comme Jack Kirby, comme Chris Foss, comme Moebius, comme Druyer, c'est des trademarks visuels, quoi, qui ont marqué le monde entier autant que Asimov ou Van Vogt ou Heinlein. Donc je vois, en fait, avant d'écrire, je vois une scène. C'est souvent comme ça. Et beaucoup de mes nouvelles des années 90 commence en fait par une perception d'une immense scène finale cosmique qui va laisser tout le monde les bras ballants et moi compris, et c'est pour atteindre cette scène que j'écris, voilà. Et donc quand je suis passé à la bande dessinée, en fait, c'était pas très difficile. J'avais à transposer ce mécanisme d'écriture et d'inspiration dans l'écriture de scénario. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a plus vraiment de raison de revenir à la littérature, parce que les déploiements graphiques, on les a en vrai. Et donc revenir à la littérature, ça implique de d'écrire pour une autre raison que celle du plaisir de décrire des scènes visuelles. Parce que décrire des scènes visuelles, je le fais dans la bande dessinée. Donc revenir à la littérature, ça veut dire retrouver enfin une raison proprement littéraire d'écrire des romans, des nouvelles. Et c'est pas si facile, en fait, quand on prend ça vraiment au sérieux. Voilà. Ça veut dire que, parce que Faust, donc il y a trois tomes, en fait. Il y avait un quatrième qui était en cours. Ça veut dire qu'il ne naîtra jamais, ce quatrième tome de Faust? Oui, je pense qu'il faut faire son deuil du quatrième tome de Faust. mais en fait, comme le dit Alain dans la préface, Alain Damasio... Qui a écrit la préface, effectivement. Ouais, il a raison de dire qu'au fond, ça n'a pas tant d'importance. J'ai une trilogie inachevée dans ma carrière, qui est mon premier roman, La Guerre des 7 minutes. Ouais, qui s'est arrêtée pour des raisons éditoriales, parce que la direction littéraire du Fleuve Noir a changé entre le tome 2 et le 3, et que en quelques semaines, les anciens auteurs qui étaient là, Wagner, Genefort et moi, on s'est entendu dire vous n'êtes plus les bienvenus. Donc du coup, bon. Et puis après, ça s'est arrangé, mais du coup, cette trilogie est inachevée, et j'ai toujours envie de la terminer. Alors que le Faust, le tome 4, c'était l'amorce d'un nouveau cycle dans le personnage. Mais disons, le cycle fondateur du personnage et la description de cet univers, elle est accomplie dans ce volume. Pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, Serge Lehmann, justement, qu'est-ce qui est à venir? Il paraît qu'on peut attendre des nouvelles du côté de la Brigade Chimérique. Oui, mais alors je peux pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il va y avoir quelque chose de bien et d'étonnant et d'attendu sur la Brigade. Et puis d'autre part, on a une adaptation en série. Dit-il l'excitation pointant dans sa voix. Oui, non, mais c'est pas ça. Non, les droits de la Brigade ont été achetés par Sacrebleu Prod, donc il y a un projet d'adaptation en animé qui est en cours. Il y a aussi des rumeurs autour de L'Homme Gribouillé qu'on a fait avec Frédéric Peters, donc d'adaptation, mais rien n'est fait encore. Et avec Frédéric Peters toujours, on s'est tellement bien entendu qu'on va faire autre chose, quelque chose une sorte de polar étrange en plusieurs tomes, voilà. Donc en bande dessinée. En bande dessinée. Et puis je reviens au roman puisque j'ai quand même trouvé des raisons littéraires de revenir à la littérature, mais c'est vraiment en cours là et je veux pas en parler maintenant, sinon c'est comme exposer une culture encore fragile au rayonnement du dehors. Quoi. C'est pas le moment. Et un mot justement, puisque je parlais de série, mais cette volonté justement de décrire des images, ça vous a jamais conduit, alors si avec le film avec Bilal bien sûr. mais à écrire du scénario pour un réalisateur ou à réaliser directement, disons à l'image animée, c'est-à-dire passer de l'image... Mais je crois que je suis trop auteur, c'est-à-dire qu'il y a une caractéristique du monde audiovisuel, que ce soit le cinéma ou la télé, qui est qu'il faut accepter de partager la création. Et la partager avec des gens qui ne sont pas des artistes. C'est-à-dire que quand je travaille avec un dessinateur, je partage la création avec un artiste. Donc je considère ces demandes comme légitimes. S'il dit j'ai envie de dessiner ça, c'est à moi de trouver un chef opérateur sur un plateau de cinéma. Oui, mais c'est pas, vous négociez pas le scénario avec un chef opérateur, vous négociez le scénario avec des producteurs. Et leurs raisons, qui sont tout à fait justifiées et valables, le métier de producteur, c'est un métier, n'ont rien à voir avec l'art ou la narration. C'est autre chose. Et donc, c'est le sentiment qu'ils ont que tel truc est approprié, tel truc ne l'est pas. Et là, il n'y a pas de justification artistique. On peut pas expliquer pourquoi une vision qu'on a mise dans le livre est bien et pourquoi elle devrait pas se retrouver à l'écran. C'est un peu la même chose avec un éditeur, non? Non. Non. Non, non. J'ai jamais eu un éditeur qui m'a dit cette scène est nulle, enlève là, ou cette scène ne va pas, ou ne correspond pas à l'esthétique de la collection, ou au public sera désarçonné. Jamais on m'a dit ça. Alors que tous les contacts que j'ai eus avec le cinéma, sauf pour Bilal, mais c'était un cas très particulier, on m'a dit le cadre est quand même assez contraint, tu pourras pas faire ça. Par exemple, j'ai écrit un roman, un court roman fantastique dans les années 90 intitulé Le Haut-Lieu, qui raconte l'histoire d'un appartement qui se referme sur ses habitants et qui dont les pièces disparaissent. Et il y a eu une option pendant 10 ans sur ce roman. Et les tentatives de scénario étaient toutes de l'ordre de, il faut en faire une sorte de comédie sociale où les portes qui se referment, c'est une métaphore de l'exclusion. Et je dis, mais ça n'a rien à voir. C'est un récit fantastique. Peut-être que vous avez juste pas trouvé le bon, peut-être pas trouvé le bon producteur, Serge Lehmann. C'est peut-être ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Je rappelle qu'on peut vous lire l'intégrale de Faust qui vient d'être publiée au Diable Vauvert, puis tout le reste de votre bibliographie, roman, bande dessinée. On va vous mettre tout ça sur le site de la méthode scientifique, sur le fil Twitter également, @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Yves Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation. Adèle Caglar à la technique. La semaine prochaine dans le labo de la méthode, lundi nous vous parlerons des toutous, et oui, on va faire l'émission sur les chiens, sur leur domestication en tout cas. Mardi, dernière nouvelle du soleil. Mercredi, nous vous parlerons de l'utilisation des données biométriques. Jeudi, deux prix Nobel pour une seule émission à propos du laser. Et vendredi, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche.